Leçon 24. 24e leçon. Monsieur Houbé est de sortie à Paris. Première partie, quand j'étais jeune. Il y a quelques années, j'avais l'habitude de venir à Paris tous les mois. J'arrivais de Bordeaux le matin au premier train. Je prenais le métro. J'allais à mon hôtel. À cette époque-là, je descendais dans un petit hôtel du quartier latin. Parce que je ne voulais pas trop dépenser. Mes frais m'étaient remboursés par mon usine. Mais je préférais ne pas avoir à présenter une note de frais trop élevée en rentrant. J'étais jeune. Je débutais tout juste. Et je ne pouvais pas faire de folie quand j'étais en déplacement.